Écoutez, c'est l'été sur Fadjet. Le patrimoine industriel de Nancy est riche de trésors parfois méconnus. L'Office de tourisme de Nancy vous propose cet été de redécouvrir ces lieux remplis d'histoire. Vincent Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing produit à l'Office de tourisme de Nancy. Que peut-on découvrir cet été ? Alors, Nancy a effectivement un riche passé industriel avec de beaux témoignages de cette histoire. Un patrimoine un peu délaissé pendant de nombreuses décennies et que nous souhaitons aujourd'hui remettre vraiment à l'honneur avec nos guides conférenciers. Et nous avons donc développé plusieurs outils pour découvrir ce patrimoine industriel. Ça peut être tout simplement en téléchargeant ou en allant chercher à l'Office du tourisme le guide patrimoine industriel qui présente un circuit dans Nancy avec des bâtiments emblématiques comme l'ancien site de la manufacture des tabacs, près des quais du cours Léopold, de quelques exemples d'art nouveau, parce que l'art nouveau c'est aussi le mariage de l'art et de l'industrie, donc c'est un patrimoine que nous avons à Nancy grâce à ce passé industriel. Ce sont aussi des bâtiments le long du canal, je pense aux anciens, à des anciens moulins hein, par exemple. Donc voilà, un vaste parcours de la manufacture jusqu'au quartier rive du canal et rive de Meurthe. Et si vous souhaitez en savoir davantage, nous proposons aussi des visites guidées sur cette thématique. Alors, il y en a une par mois, en fait. Hein, donc, une le samedi 15 août, une le mercredi 16 septembre et une le mercredi 14 octobre. Et si vous souhaitez toujours en savoir plus, mais être un peu plus autonome, eh bien, nous avons une application qui s'appelle Running City. Alors, une application qui est dédiée normalement à ceux qui font leur jogging, mais on peut faire aussi le circuit en marchant si vous êtes moins courageux. En tout cas, avec l'application Running City, vous avez le circuit qui vous est annoncé. En téléchargeant l'application, vous pouvez faire le circuit et dès que vous êtes proche d'un bâtiment qui est localisé, en fait, vous avez un commentaire qui se déclenche et vous avez une carte sur votre téléphone. Mais normalement, comme vous courez, vous êtes vraiment en autonomie, les commentaires se déclenchent automatiquement. Et si par contre, vous êtes avec un public plutôt familial avec des enfants, nous avons le même circuit dédié aux familles et c'est avec l'application Baludic. Baludic, deux applications qu'on retrouve sur notre site internet qui sont également référencées sur le document dédié au patrimoine industriel, donc en téléchargement ou disponible à l'Office de tourisme. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on va pouvoir vivre ce week-end des 25 et 26 juillet. Oui, toujours beaucoup de visites, hein, à la fois des visites très classiques comme la visite du centre historique le samedi après-midi, mais aussi des visites thématiques. Alors ce samedi, vous pourrez découvrir la porte de la Craffe, monument emblématique de la vieille ville, mais êtes-vous déjà entré dans ce monument qui est une ancienne prison où on peut voir des anciennes cellules, donc c'est tout à fait insolite comme découverte. C'est aussi l'occasion de parler des fortifications de la ville côté nord, avec aussi la porte de la citadelle qui est juste derrière, mais dans laquelle par contre on n'entre pas. Autre visite thématique, c'est l'église Notre-Dame de Bon Secours. Pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas l'église Notre-Dame de Bon Secours, elle fait partie de l'héritage de Stanislas. Il nous a pas seulement laissé une très belle place en centre-ville, mais il a voulu, et c'est d'ailleurs sa première construction, ériger le lieu de sa sépulture. Donc cette église abrite le mausolée de Stanislas. Elle est assez austère de l'extérieur, mais quand on rentre, on est vraiment émerveillé par tout ce décor, par ces très belles sépultures funéraires pour Stanislas et son épouse. Et pour la petite histoire, le cœur d'une reine de France se trouve aussi dans cette église, puisque la fille de Stanislas a été l'épouse de Louis XV et elle a souhaité que son cœur reste auprès de ses parents, donc dans la crypte de l'église Notre-Dame de Bon Secours. Donc pour découvrir à la fois l'histoire de l'édifice et toutes ces petites anecdotes, inscrivez-vous à la visite guidée, donc ce samedi 25 juillet à 14h30. Et enfin, les visites autour de l'Art Nouveau, donc toujours une visite le vendredi. Alors ce vendredi, elle sera dédiée à l'Art Nouveau en centre-ville, avec le Crédit Lyonnais, l'Excelsior, des façades de banques ou de commerces. Et puis le dimanche 26 juillet, le circuit qui vous emmène de l'Excelsior à la Villa Majorelle. Merci à Vincent Dubois. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site www.nancy-tourisme.fr ou par téléphone au 03 83 35 80 10. L'Office de tourisme, c'est place Stanislas à Nancy.